Chapitre 6. Une poterne dans le mur du vieux château donnait sur un sentier par où l'on atteignait directement la route. Au lendemain de son entretien avec M. de Rudaine, Élisabeth, vers 7 heures, le prit comme elle en avait l'habitude pour se rendre au village. En quelques minutes, avec une légèreté de chèvre, elle le descendit, atteignit la route et franchit le vieux pont de pierre qui enjambait la rivière. Le long de celle-ci, un chemin ombragé de hêtres menait à Sauvin-le-Bénit. Élisabeth croisa quelques paysans, reçut le bonjour de femmes debout au seuil des logis, presque tous vieux et entourés de petits jardins fleuris. Elle répondait aimablement, avec un sourire amical, toute différente de la fillette rétive et sans grâce que d'autres voyaient seulement en elle. On l'aimait dans le village, on ignorait le jugement que portait sur elle Madame de Rudaine et la malveillance qu'elle éveillait dans l'esprit de ses relations à l'égard de sa belle-fille. Ou, si quelque écho en était parvenu, on dédaignait d'y attacher de l'importance. Élisabeth, ayant hérité de la sympathie qu'accordaient à Daphné les gens du pays et bénéficiant d'une vague méfiance envers Judith, en dépit des sourires et de la générosité de la belle châtelaine. À la fenêtre d'une petite maison, presque couverte de vignes vierges, une femme aux cheveux grisonnants battait un tapis. Elle salua Élisabeth, qui s'arrêta en disant « Bonjour, Émilie !» Un sourire plissa les joues rondes et bien en chair d'Émilie Vallès, l'ancienne femme de chambre de Montparoux, au temps où Daphné en était la châtelaine. « Toujours matinale, mademoiselle Élisabeth ?» « Pas tellement, car la messe est certainement commencée. Je me sauve, ma bonne !» Les petits yeux bleus d'Émilie, si vifs sous leurs paupières un peu gonflées, suivirent la mince forme vêtue de noir qui commençait de monter le chemin étroit conduisant à l'église. Celle-ci était bâtie sur une plateforme rocheuse où, autrefois, s'élevait un prieuré de cisterciens. De cette époque, il ne restait qu'elle et un logis voisin qui servait de presbytère. Construite au début du XIIIe siècle, elle dressait au-dessus du village ses belles lignes ogivales, la grâce légère de son clocher. Élisabeth passa sous le porche, où des saints processionnaient dans la pierre, allant, le visage levé, en extase, vers un Christ glorieux assis sur un trône, entouré d'anges. Quand elle eut poussé un battant de bois, elle se trouva dans la pénombre tiède où chuchotait la voix du célébrant, debout devant l'autel. Elle s'agenouilla sur un des derniers bancs, mit son visage entre ses mains et se recueillit un instant, autant du moins que le lui permettait cette agitation intérieure qui l'avait empêchée, cette nuit, de trouver le sommeil. Quand elle releva la tête, son regard erra sur l'assistance restreinte, quelques femmes du village, Florestine, et sur le banc des Grousselles, Abel, le jeune infirme, et sa jeune sœur Catherine. À l'autel, l'abbé Forgues élevait entre ses mains le calice qu'une pâle flèche de lumière, traversant un vitrail, faisait étinceler. Élisabeth s'efforçait d'arrêter son attention sur les saints mystères qui s'accomplissaient devant elle. Mais elle ne pouvait éloigner de son esprit cette pensée qu'il lui faudrait quitter Montparoux, aller vivre chez ses parents inconnus, des étrangers pour elle, à tout point de vue. Adélaïde disait que sœur Montagu était un homme droit et bon, qu'il avait beaucoup aimé sa sœur, mais n'avait pas approuvé son mariage avec le comte de Rudaine, d'où une certaine froideur dans le rapport à dater de ce moment. Devenu veuf, avec un fils et une fille, il vivait presque toute l'année dans son domaine de Mortoncourt. « Vous ne serez pas malheureuse chez lui, bien sûr, ma petite fille !» avait ajouté Adélaïde. « Pas malheureuse, qu'en savait-elle? En tout cas, ce ne serait pas Montparoux, son vieux Montparoux. Il lui faudrait s'accoutumer à une existence nouvelle, tellement différente, certainement, et dont s'effrayait à l'avance sa sauvagerie d'enfant délaissé, habitué à la solitude et à une vie simple, sans guère d'autre discipline que celle imposée avec discrétion par l'abbé Forgues, qui savait manier cette âme un peu fermée, ardente et sensible, mais vite repliée sur elle-même, en même temps que toute vibrante de jeune intransigeance. « Peut-être trouverez-vous là des affections qui vous manquent ici », disait encore Adélaïde. chère Adélaïde, elle avait certes plus d'illusions qu'Élisabeth sous ce rapport. Sœur Montagu jugeait bon, par esprit de famille, de s'intéresser quelque peu à sa nièce, mais il ne faisait là qu'accomplir un devoir et l'on ne pouvait loyalement lui demander davantage. La clochette de l'enfant de cœur tinta. Élisabeth joignit les mains. Quelle distraction, mon Dieu! Mais son cœur éprouvait un tel émoi à la perspective de ce départ. Elle n'était qu'une pauvre petite fille, bien imparfaite, qui demandait pardon au Seigneur et lui disait bien simplement tout son chagrin, tandis que le prêtre élevait la pure hostie dans ce mince rayon de lumière que le vitrail nuançait de pourpre clair. Par un effort de volonté, Élisabeth put se recueillir jusqu'au moment où l'abbé Forgues se détourna pour prononcer l'ite missa est. Son attention s'égara alors, cette fois, vers le banc des châtelains d'Aigues Blanches. Catherine se détournait, semblant chercher quelqu'un derrière elle. Élisabeth entrevit son visage bruni, ses yeux vifs d'enfant bien portante. Puis elle la vit se pencher à l'oreille de son frère. Abel se souleva, aidé par elle, prit les béquilles qu'elle lui tendait. Tous deux quittèrent le banc. Derrière elle, Élisabeth entendit un bruit de pas. En tournant la tête, elle vit Willibald qui semblait attendre son frère et sa sœur. Il les avait probablement conduits en voiture et revenait les prendre après quelques courses aux environs. Élisabeth, n'ayant pas le désir de les rencontrer, s'attarda à l'église où demeurait seule Florestine, absorbée dans son action de grâce. Le menton appuyé sur ses mains entrelacées, elle regardait l'autel et songeait que là, dans peu de temps, l'abbé Forgues célébrerait la messe nuptiale pour l'union de Willibald et d'Agathe. Une blonde mariée au teint de rose pâle, aux yeux couleur de beau ciel, serait agenouillée près du jeune comte Rudengorts. Agathe et Willibald, dans 3 semaines. Élisabeth serra les doigts si fortement que les ongles entrèrent un peu dans la chair. Elle songea, avec une sourde impatience contre elle-même, « Qu'est-ce que cela peut me faire? Willibald n'est rien pour moi, rien qu'un étranger hostile. » Puis elle courba la tête pour une dernière prière avant de se lever. Près du bénitier, elle se rencontra avec Florestine. La femme de chambre s'inclina et ouvrit devant elle le battant de la porte. Élisabeth rencontra ce regard doux et grave où semblait demeurer quelque pur mystère. Elle dit impulsivement « Florestine, je vais quitter mon parou. Mon père m'envoie en Angleterre chez mon oncle. »« Ah, mademoiselle, vous devez en avoir bien de la peine. »« Beaucoup de peine. Priez pour moi, Florestine. » « Je le fais tous les jours, mademoiselle. » Elle se trouvait sous le porche. Au dehors, attendait une voiture d'apparence quelque peu usagée. À l'intérieur, était assis Abel de Groussel et, près de la portière, se tenait Willibald. Élisabeth eut un léger mouvement de recul. Puis elle s'avança et tendit la main à son cousin qui disait froidement « Ah, bonjour, Élisabeth !» Il ajouta, d'un ton qu'elle jugea ironique, « Eh bien, il paraît que vous allez faire connaissance avec l'Angleterre. » Elle riposta, « Vous en êtes déjà informée ? Agathe me l'a appris hier soir. Ce sera une excellente chose pour vous. C'est votre avis, mais non le mien. L'avis d'une enfant comme vous ne compte guère. Je le sais bien et je ne manquerai à personne ici. » Dans la voix brève qui parlait ainsi, une note d'amertume passa que perçut probablement Willibald, car il regarda avec plus d'attention le jeune visage raidi, les yeux couleur d'automne, assombris par une soudaine tristesse. « Laissez-moi vous dire, Élisabeth, que vous ne faisiez pas ce qu'il fallait pour ça. Ni ma mère ni moi n'aurions demandé mieux que d'avoir avec vous des relations plus cordiales. Madame de Ruden et Agathe souhaitaient de vous aimer. » Une sorte de rire s'étrangla dans la gorge d'Élisabeth. Pendant quelques secondes, son regard exprima un ironique mépris. Puis il redevint grave, presque douloureux. « Quand vous les connaîtrez mieux, Willibald, vous vous souviendrez de ce que vous me dites là. » Catherine, à ce moment, venait vers la voiture, un paquet à la main. Élisabeth échangea quelques mots avec elle, avec Abel, dont les yeux bleus, si lumineux dans la pâleur maladive du visage, la considéraient avec intérêt. Puis elle s'en alla vers le presbytère. La vieille maison, en cette mi-septembre, disparaissait à demi sous la vigne vierge. Élisabeth poussa la porte entr'ouverte, entra dans le vestibule voûté. Au seuil d'une porte, parut la mère de l'abbé Forgues, septuagénaire, au paisible et souriant visage. « Bonjour, Élisabeth. Vous voulez voir monsieur le curé? Il déjeune. Attendez-le ici quelques minutes. » Élisabeth la suivit dans une pièce qui était le bureau du curé. Une bibliothèque, une grande table de chêne et quelques sièges en composaient le mobilier. Le plafond à poutrelles, la cheminée de pierre sculptée, datée de l'époque où avait été construit ce logis, demeure du prieur. Une porte vitrée, ouverte, laissait voir le jardin encadré de charmilles. Quelques roses, des dahlias aux chaudes nuances, des asters couleur de rouille, fleurissaient les étroits parterres entre les rangées de poiriers. La fraîche brume matinale commençait à laisser entrevoir le soleil. Élisabeth, appuyée au chambranle de la porte-fenêtre, aspirait l'air très pur qui apportait jusqu'ici le subtil parfum de la montagne. Mais elle se détourna en entendant la porte qui s'ouvrait. L'abbé Forgues entra. Grand, maigre, la figure émaciée sous les cheveux gris. « Vous m'apportez déjà votre version, Élisabeth ?»« Non, elle n'est pas finie. C'est pour autre chose que je viens. » Les yeux observateurs du prêtre scrutèrent la physionomie un peu altérée. Puis l'abbé s'assit à son bureau et Élisabeth prit place en face de lui. Sans préambule, elle dit, la voix légèrement frémissante, « Mon père m'a appris hier qu'il m'enverrait bientôt chez mon oncle, sœur Montagu Meldwin, et que j'y resterai pour terminer mon éducation. » Ah ! Il n'y avait pas de surprise dans le ton de l'abbé Forgues. Pas de contrariété non plus. Élisabeth le sentit aussitôt. Elle eut un éclair dans les yeux, une contraction des lèvres. Sans un mot, elle regardait le prêtre qui, les mains croisées sur le bois ciré du bureau, la considérait pensivement. « Ce ne sera pas une mauvaise chose pour vous, mon enfant. » Elle bondit presque sur sa chaise. « Vous me dites cela, vous, monsieur le curé, vous qui savez combien j'aime mon parou et quel chagrin ce sera pour moi de le quitter ?»« Je vous le dis parce que c'est ma conviction. Il est bon que vous changiez d'atmosphère, Élisabeth. Il y a autre chose dans le monde que mon parou, si cher qu'il vous soit. Votre instruction doit être poussée davantage. » Vous devez en outre apprendre ce qui est nécessaire en fait d'éducation à une jeune fille de votre rang. Il n'est pas mauvais non plus, pour bien des raisons, que vous entriez en contact avec la famille de votre mère. L'abbé se tut un instant, regardant toujours le visage frémissant où la surprise, l'irritation, avaient fait monter une vive rougeur. Puis il reprit, la voix plus lente, avec un accent d'autorité, « En outre, je m'inquiète de voir en vous cette hostilité si forte à l'égard de votre belle-mère et de sa fille. Qu'elle ne vous soit pas sympathique, soit, mais il y a autre chose. J'ai parfois eu l'impression, Élisabeth, qu'il y avait en vous presque de la haine. » Élisabeth tressaillit, le sang disparut de son visage et elle regarda le prêtre avec une sorte d'effroi. « De la haine ?» Sa voix tremblait. Je les déteste seulement à cause de leur hypocrisie. Vous le savez bien, monsieur le curé. Vous le croyez peut-être, mais je vous sens là sur une pente dangereuse. Vous êtes une nature loyale, vous avez horreur du mensonge, et je vous en félicite. Mais ce que je ne voudrais pas voir en vous, c'est une inimitié s'adressant personnellement à madame de Rudaine et à sa fille. « Or, je crains que vous ne vous y laissiez entraîner, en toute bonne foi, évidemment. Mais il est de mon devoir de vous en avertir. » Élisabeth songea un moment. Un léger pli barrait son front. Elle dit enfin, « Oui, peut-être. Leur seule vue éveille en moi je ne sais quelle révolte. Voilà pourquoi je suis satisfait de vous voir quitter mon parou pour quelque temps. Lorsque vous reviendrez, vous serez une jeune fille, vous aurez appris, je l'espère du moins, à dominer vos impressions dans le contact avec vos parents, vos compagnes d'études, les relations de votre famille. Ainsi pourrez-vous reprendre avec une âme plus sereine les rapports obligatoires avec votre belle-mère. » Élisabeth secoua la tête. « Je ferai certainement mon possible pour cela, mais je sais à l'avance que tout sera inutile, car Madame de Rudaine me hait et cherchera toujours à me nuire. » « Élisabeth, vous allez trop loin. »« Trop loin ?» Elle se levait d'un élan et appuyait ses mains au bord de la table, en penchant vers le prêtre, son visage animé par une puissante émotion. « Ah, je la sens tellement, cette malveillance, cette haine qui rôde, qui me guette !» Elle m'a pris mon père, elle a écarté de moi mes cousins d'Aigle Blanche, et je suis sûre qu'elle a dû faire du mal à ma mère. » L'abbé Forgues tressaillit légèrement. « Pourquoi vous imaginez-vous cela, mon enfant ?»« Je l'ai compris parce qu'Adélaïde n'a jamais voulu me répondre franchement à ce sujet. D'ailleurs, comment ne l'aurait-elle pas détestée, puisqu'elle était belle et bonne ?» « Et vous devez le savoir, vous, monsieur le curé, ce que maman a souffert. » Le visage du prêtre parut se fermer, tandis que sa voix grave et nette répondait « Cela est du passé, Élisabeth, et un passé qu'il est inutile d'évoquer. Votre mère jouit maintenant de l'éternelle allégresse promise à ceux qui ont supporté avec une courageuse foi leurs épreuves terrestres. » Ce qu'elle vous demande, c'est de l'imiter, car elle fut une âme pure et droite, et elle sut pardonner. » Puis, sans doute désireux de changer de sujet, l'abbé s'informa si Adélaïde accompagnerait son élève, demanda si Madame de Rudaine avait indiqué une date pour le départ. Élisabeth prit congé de lui quelques instants après. Il demeura un moment immobile au seuil de son bureau, la mine pensive. Sa longue main maigre passait et repassait machinalement sur le menton fraîchement rasé. Il eut un léger hochement de tête en murmurant « Elle comprendra peut-être plus tard, mais elle saura mieux supporter cette révélation. »